إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقال سبحانه والذين هم بربهم لا يشركون عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب قال لا رقية إلا من عين أو حمى فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ثم نظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محسان فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قال رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. ومن هذا الحديث الكثير من الفوائد، وهو كيف تحقيق التوحيد. ولتحقيق التوحيد يلزم لذلك أن يحذر من مجموعة من الأمور. فمن حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. الأمر الأول ألا ينقض أصله بشرك أكبر، والأمر الثاني ألا ينقص كماله بشرك أصغر، والأمر الثالث ألا ينقص كمال الواجب ببدعة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة. من لم يقع في هذه الثلاث فقد حقق التوحيد ودخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالأمر الأول ألا ينقض أصله بشرك أكبر، فمن وقع في الشرك الأكبر حبط عمله. قال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والشرك الأكبر أن تجعل لله ندا وقد خلقك بصرف عمل أو قول أو اعتقاد هو مأخذ حق الله لغير الله، كالصلاة لغير الله، كالذبح لغير الله، كالسجود لغير الله، يعني يجعل مع الله إلها آخر، بمعنى أن يصرف لهذا ما يصرف لله. وهذا الشرك يقع في الأقوال والأفعال والأموال وفي القلوب. الشرك الأكبر الذي يقع في الأقوال، مثل أن يستغيث لغير الله فيقول مثلا يا رسول الله فرج كربتي، أو يقول يا أولياء الله أغيثوني أعوذ بالله، هذا من الشرك الأكبر. كل ما يصرف في الأقوال من الشركيات لغير الله داخلة في ذلك. والشرك الذي يقع في الأفعال، كما يفعل بعض الناس الذين يسجدون عند قبور الصالحين. والشرك الذي يقع في الأموال، مثل بناء المساجد على القبور، أو الشراء لكبش مثلا للذبح لغير الله، هذا الشرك الأكبر الذي يقع في الأموال. والشرك الذي يقع في القلوب كالخوف، الرجاء، المحبة، الرغبة، الرهبة. بعض الناس يخاف من الساحر أو من الدجال أو من الميت، خوف غيبي، خوف سري. والخوف يكون من الله وحده لا شريك له. والأمر الثاني ألا ينقص كمال التوحيد بشرك أصغر، مثل الحلف بغير الله، أو قول لو شاء الله وفلان، أو يقول لولا الله وفلان. ولكن علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نقول، فنقول ما شاء الله ثم شئت، ثم شئت، ولا نقول ما شاء الله وشاء فلان، لأن الواء تلزم التسوية بين الله وبين العبد، وهذا لا يجوز. فهذا الشرك الذي من أنواع الشرك الأصغر، أو من أنواع الشرك الأصغر كالرياء والسمعة. والرياء هو طلبة المنزلة في قلوب الخلق بآرائهم، يعني الإنسان يريد أن يفعل شيئا ليتقرب إلى الله، ولكن يريد أن الناس يمدحوا ذلك الشخص أو يقولوا ما شاء الله فلان صلاته ما شاء الله. هذا كل أنواع من الشرك الأصغر. فهذا الأمر الثاني، ألا ينقص كماله بشرك أصغر. والأمر الثالث، ألا ينقص كمال الواجب ببدعة أو كبيرة أو إسران على صغيرة. والبدعة، ما في بدعة حسنة في دين الله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الحديث الآخر عليكم بالسنة والسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ألا ينقص كمال الواجب ببدعة أو كبيرة. فمثلا في النصوص إذا وجدنا اللعن، من فعل كذا لعن، فهذا من كبائر الذنوب. أو نص صريح يدل على ذلك الفعل من كبائر الذنوب. أو التهديد بالنار، فهذه الثلاث يدل على فعل تلك الشيء هذا الشيء من كبائر الذنوب. أو إصرار على صغيرة، فمثلا يعمل من الذنوب يعني ولكن يكررها. فمن ابتدع في دين الله عز وجل ما ليس منه فهو لا يحقق التوحيد. ومن يقع في الكبائر لا يحقق التوحيد. ومن يصر على الصغائر لا يحقق التوحيد. ومن صلى رياء للناس لا يحقق التوحيد. ومن دعا أو ذبح لغير الله عز وجل هذا خرج من الإسلام، لأن الله عز وجل قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فنسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا في تحقيق التوحيد. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، serviteur d'Allah, craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit et ne mourrez qu'en étant musulman soumis à Allah Azza wa Jal seul. Craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit où que vous soyez, quiconque que vous fréquentiez, crains Allah et rappelle-toi que personne ne peut fuir d'Allah Azza wa Jal. Car nous reviendrons tous devant Allah Azza wa Jal. Sachez que la meilleure des paroles est la parole d'Allah, le Très-Haut, et que la meilleure des guidées est la voix de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses sahabas. Et les pires des choses sont toutes les choses nouvellement inventées dans la religion complète d'Allah, le Très-Haut. Et toute chose nouvellement inventée dans la religion complète d'Allah le Très-Haut, dans le but de se rapprocher d'Allah par cet acte inventé, eh bien tout cela s'appelle des innovations religieuses. Et toute innovation religieuse est un égarement. et tout égarement est dans le feu de l'enfer. Allah le Très-Haut a dit dans la traduction du sens du verset, Ibrahim était un guide, une umma. La traduction du sens, un guide parfait. Une umma. Et lorsqu'on lit les ayats, on doit méditer dessus. Et on se rappelle des paroles des salaf salah. Par exemple, le sahabi, le compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui mentionnait ce que signifie la jama'a. Al jama'a, ma kana ala al haqq, ma wafaq al haqq, walaw kunta wahdak. La jama'a. La jama'a, parce que lorsqu'on lit la jama'a en arabe, ça signifie un groupe. Donc, on s'imagine automatiquement un groupe de gens, donc plusieurs personnes. Mais la jama'a, c'est quoi? C'est ce qui est en conformité avec la vérité, et cela même si tu es seul. C'est-à-dire que si tu es dans un endroit, dans une ville, dans un pays, et que tu es le seul à être sur la vérité, tu es la jama'a. Donc Ibrahim alayhi salam était une umma à lui tout seul. Jusqu'à ce qu'il ait dit à sa femme, il n'y a que toi et moi qui sommes croyants sur toute la surface de la terre. À l'époque de Ibrahim alayhi salam. Et ensuite, Allah Azza wa Jal a guidé de par sa cause d'autres qui l'ont suivi. Donc Ibrahim était un guide parfait. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui. Hanif, c'est ça. Le Hanif, c'est celui qui est dans l'adoration pure, exclusive à Allah seul, tout en s'écartant et s'éloignant de tout ce qui pourrait corrompre cette adoration pure. C'est-à-dire, qu'est-ce qui corrompt? C'est-à-dire l'associationnisme, le polythéisme. D'accord? Voué exclusivement à lui, il était Hanif, il n'était point du nombre des associateurs. Et Allah Azzawajal a dit dans la traduction du sens, ceux qui, à leur Seigneur, n'associent rien. Dans le hadith, Hussein ibn Abdurrahman a dit, on doit méditer sur ce hadith-là également. J'étais chez Saïd ibn Jubayr. Saïd ibn Jubayr qui fait partie des Tabi'i, ceux qui sont venus et année après la génération des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'ils ont vu les compagnons, mais ils n'ont pas vu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort, sallallahu alayhi wa sallam. J'étais chez Saïd ibn Jubayr. Lorsque celui-ci demanda, qui d'entre vous a vu l'étoile filante hier? Je répondis, moi. Vous voyez, regardez, écoutez sa réponse. Puis-je ajouter, mais je n'étais pas en prière. Il a dit, moi je l'ai vu. Donc tout le monde aurait pu croire que, parce qu'il l'a vu, ça veut dire que peut-être qu'il faisait du qiyam. Mais il a souligné, mais je n'étais pas en prière. Voyez les pieux prédécesseurs comment ils étaient. Ils ne s'attribuaient pas à une chose dont ils ne sont pas. Le fait est que je souffrais d'une morsure de scorpion. Saïd me questionna. Et qu'as-tu fait? Je répondis, j'ai demandé qu'on pratique une ruqya, un exorcisme sur ma personne. Il continua, et qu'est-ce qui t'a poussé à agir de la sorte? Qu'est-ce qui t'a poussé à agir, à demander de faire une ruqya? Je répondis, un hadith que nous a rapporté Shabi. Il me demanda, et que vous a-t-il rapporté? Je récitai alors, il nous a rapporté d'après Buraïda ibn al-Husayb, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, point de ruqya, yani point d'exorcisme, sauf contre le mauvais œil ou le venin. Saïd déclara alors, celui qui se limite à ce qu'il entend agit de la meilleure façon. Celui qui se limite à ce qu'il entend agit de la meilleure façon. Il n'a pas agi en se disant, mais je crois qu'il n'y a aucun mal, je pense que. Il a agi parce qu'il avait une preuve. Vous voyez l'exemple qu'on doit prendre? Si bien que Saïd ibn Jubayr, rahimahullah, déclara alors, celui qui se limite à ce qu'il entend agit de la meilleure façon. Cependant, il continue, ibn Jubayr, en disant, cependant, ibn Abbas nous a informé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les communautés me furent présentées. Je vis un prophète accompagné d'une poignée de personnes. Un autre, d'un ou deux hommes. Il n'y a qu'un ou deux hommes qui a suivi tel prophète, envoyé par Allah Azzawajal. Et un autre que personne n'accompagnait. Subhanallah, c'est un prophète d'Allah. Et le jour de la résurrection, ce prophète qui a été envoyé par Allah Azzawajal à son peuple précis, aucun de son peuple ne l'a suivi. Il est venu tout seul. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas se faire tromper par le nombre de gens. Ce n'est pas parce que les gens sont nombreux à suivre telle ou telle chose que ça veut dire qu'ils sont sur la vérité. On ne connaît pas la vérité en suivant les hommes. Mais c'est en connaissant la vérité que l'on sait qui sont les hommes qui sont sur la vérité. Et Allah Azza wa Jalla a dit, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et si tu suis la majorité des gens sur terre, ils t'égareront du droit chemin. Et la vérité, c'est Allah a dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, et les sahabes ont dit, les communautés me furent présentées, je vis un prophète accompagné d'une poignée de personnes. Un autre accompagné d'un ou deux hommes, et un autre que personne n'accompagnait. C'est alors qu'une foule immense me fut présentée, et je crus qu'il s'agissait de ma communauté. Mais on me dit, ceci est Moussa, Moïse et son peuple. Je promenais à nouveau mon regard. Donc ça c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, hein. Je promenais à nouveau mon regard quand je vis une autre foule immense. On me dit, ceci est ta communauté. 70 000 de ses membres entreront au paradis sans jugement ni châtiment. C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a dit cela. 70 000 dans le hadith. Il a dit que donc on me dit, ceci est ta communauté, 70 000 de ses membres entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva et rentra chez lui. Les gens se mirent à discuter sur ces 70 000, sur ces 70 000 personnes. Qui peuvent être ces 70 000 personnes qui rentreront au paradis sans jugement ni châtiment? Certains dirent, ce sont peut-être les sahaba, les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'autres avancèrent, ce sont peut-être ceux qui sont nés dans l'islam et qui n'ont jamais rien associé à Allah. Et d'autres suppositions furent émises. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit de chez lui et on l'informa du sujet de la discussion. Il dit, ce sont ceux, les attributs, il donne les attributs des 70 000 qui rentrent au paradis sans jugement ni châtiment. Ce sont ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse de ruqya. Yani, ça ne veut pas dire que la ruqya est interdite. Mais ça veut dire que tu places ta confiance en Allah et tu ne la demandes pas qu'on la fasse pour toi. Tu peux faire la ruqya sur toi-même. Tu peux faire la ruqya sur toi-même. Tu récites qul huwallahu ahad wal mawa'id atayn, les trois dernières sourates. Et tu fais sur tes mains et tu passes sur tout ton corps. Tu le fais trois fois. Donc ça, tu le fais toi-même. Mais tu ne demandes pas à ce qu'on te la fasse. D'accord? Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse de ruqya, ni de cautérisation. C'est ce qu'ils font pour refermer les plaies avec le feu. Et qui ne consultent pas les augures, et qui placent toute leur confiance en leur Seigneur. Ukaysha ibn Mihsan se leva et dit, invoque Allah pour que je fasse partie de ce groupe de personnes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, tu en fais partie. Allahu Akbar. Tu en fais partie. Un autre homme se leva et demanda la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ukaysha t'a devancé. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise, Ukaysha t'a devancé, ça ne veut pas dire que celui qui a demandé n'en fait pas partie. Mais que c'est une manière polie, parce que sinon, tout le monde va se lever et va commencer à dire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, stop. Et pour comprendre comment les 70 000 sont ceux donc qui concrétisent et qui parfaient le tawhid d'Allah, et le tawhid d'Allah, la concrétisation du pur monothéisme d'Allah repose sur trois points. Sur trois points. Que la base, le fondement, l'origine du tawhid ne soit pas annulée. Le deuxième point, que la perfection du pur monothéisme, la perfection du tawhid, ne soit pas diminuée par les pratiques de l'associationnisme mineur. Donc le premier point, que la base, le fondement du tawhid, du pur monothéisme, ne soit pas invalidé par Dieu, l'associationnisme majeur, celui qui exclut l'islam. Le deuxième point, que la perfection du tawhid ne soit pas diminuée par la pratique de l'associationnisme mineur. Et le troisième point, que la perfection du pur monothéisme ne soit pas diminuée par la pratique d'innovation religieuse, les bédas, ne soit pas diminuée par la pratique d'innovation religieuse, ou bien par la pratique de péché majeur, ou bien par la pratique continuelle de péché mineur. Et le premier point, que le fondement, la base du pur monothéisme ne soit pas invalidé, annulé par la pratique de l'associationnisme majeur ou du polythéisme majeur. Et l'associationnisme majeur, c'est le fait, comme nous l'avons répété plusieurs fois, mais il est important de répéter, et rappel car le rappel est bénéfique aux croyants. L'associationnisme majeur est que tu te mettes à invoquer autre qu'Allah, ou que tu places ta confiance en autre qu'Allah, ou que tu aies sacrifié un animal pour autre qu'Allah, ou bien que tu jures par une chose en donnant à cette chose par laquelle tu jures de la grandeur au même niveau qu'Allah. Tout cela fait partie de l'associationnisme majeur. Si un individu commence à s'en remettre à autre qu'Allah, ou à invoquer un prophète, ou une n'importe quel type de créature, cela c'est de l'associationnisme majeur. Et l'associationnisme majeur, c'est la pire des injustices. Et l'injustice, c'est de placer une chose hors de sa place. C'est-à-dire, invoquer une créature, l'invocation n'est pas à sa place, car elle doit être exclusive qu'à Allah seul. Donc si tu invoques autre qu'Allah, tu as placé cet acte d'adoration à un endroit qui n'est pas le sien. Et donc ça, c'est une injustice. Et donc cela, c'est une injustice. Et quiconque donc pratique de l'associationnisme majeur, toutes ses œuvres deviennent vaines. Il est sorti de l'islam. C'est plus un musulman. S'il a sacrifié pour quelqu'un qui est mort dans une tombe et il sacrifie pour lui, ou il a dit, eh bien parce que il y avait même un homme qui, subhanallah, que les savants avaient mentionné cette anecdote-là. C'était quelqu'un de pauvre. Et il avait fait des économies une grande partie de sa vie parce qu'il voulait faire un hajj. Et lorsqu'il a réussi à réunir tout cet argent pour faire le hajj, il était heureux et il est parti au niveau de la tombe d'un vertueux et il a égorgé un animal pour autre qu'Allah pour remercier ce vertueux-là. Et Allah Azza wa Jalla a dit, dans la traduction du sens et du verset, Et s'ils associaient quoi que ce soit à Allah, toutes leurs œuvres deviendraient vaines. Yani, il faut qu'on pense quand même la gravité de cela. L'individu, il passe des années à mettre de l'argent de côté pour faire un hajj. Puis lorsqu'il réussit à faire le hajj, il se précipite au niveau de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et commence à invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'il n'a plus rien du tout. Toutes ses œuvres deviennent vaines. C'est Allah azzawajal qui l'a dit. Et s'ils associent quoi que ce soit à Allah, toutes leurs œuvres deviendraient vaines. Et ce type d'associationnisme majeur, eh bien, on le trouve dans la parole, dans les actions, dans l'argent qui est dépensé et dans les cœurs. Dans la parole, comme par exemple un individu qui se met à invoquer le prophète Mohammed en disant « Oh, envoyé d'Allah, retire-moi mon malheur. » Ou bien il dit « Oh, vertueux un tel » ou bien « Oh, wali, protège-moi. » Tout cela, c'est de l'associationnisme majeur. Ça veut dire que l'individu, en disant cela, il n'est plus musulman. Même s'il prie 5 fois par jour, même s'il fait le hajj, même s'il fait la umrah. En islam, ce n'est pas juste parce qu'on prie et puis ça y est, on est musulman. Certes, si tu délaisses la prière, tu n'es plus musulman. Mais si tu pries et que tu invoques autre qu'Allah, tu n'es plus musulman. Même si tu pries 5 fois par jour. Même si tu fais des efforts pour venir, tu habites loin et tu viens à la mosquée pour prier en groupe 5 fois par jour. Mais tu invoques autre qu'Allah. Ou tu crains une chose comme on craint Allah. Ou tu places ta confiance en autre qu'Allah. Eh bien, tout ce que tu fais est vain, ça ne sert à rien. Ou tu lis les horoscopes, je le répète constamment, parce qu'il y en a plein, qu'Allah nous en préserve, excepté ceux sur qui Allah Azza wa Jalla a la miséricorde, il se rue sur les magazines pour lire les horoscopes. T'es quoi, t'es verso, t'es balance, t'es je sais pas quoi. Et puis il se met à lire, t'auras le bonheur, amour, je sais pas. Subhanallah. Et lui, il croit ça. Ils ont même des bracelets aujourd'hui avec les versos, les sagittaires. Et ceux qui s'affilient à la communauté de l'islam se mettent à suivre hein, la tradition des kuffars. Qu'Allah nous en préserve. Donc, cet associationnisme majeur-là qui est dans la parole. L'associationnisme, c'est-à-dire qu'il se met à invoquer autre qu'Allah. C'est également dans les actions, comme par exemple des gens qui s'affilent à cette communauté-là, ils ont leur shir et ils vénèrent ce shir-là, et ils viennent et ils font un soujoud à ce shir-là. Un soujoud. Le soujoud, tu dois le faire que pour Allah, azawajal. Et eux, ils font un soujoud, soi-disant par respect. Subhanallah. Ou bien ceux qui emmènent leurs enfants faire du judo et de l'aïkido et puis ils commencent à faire un recours pour autre qu'Allah. Ils disent, mais non, c'est pas ça mon intention. Subhanallah. Donc, ou bien ceux qui font un soujoud au niveau des tombes des vertueux. Tout ça, ce sont l'associationnisme majeur dans les actions. Maintenant, dans l'argent, l'associationnisme majeur dans l'argent. Comme par exemple, ceux qui réunissent de l'argent pour construire une tombe, une mosquée, pardon, sur des tombes. D'accord ? Ou bien dépenser dans l'argent, dans tout ce qui va promouvoir l'associationnisme majeur. Comme certains, ils ne craignent pas Allah Azza wa Jal comme il se doit, et ils trouvent des associations soi-disant caritatives. Hein ? Et ce sont des gens qui veulent promouvoir l'évangélisme, et eux ils disent, vas-y, sadaqa, sadaqa, je donne, j'aide. T'aide à ce que le shirk soit répandu, a'oudou billah. On doit craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. Ou bien, par exemple, l'individu qui achète un mouton ou un animal pour l'égorger pour autre qu'Allah. D'accord ? Donc, et l'associationnisme majeur maintenant qui est dans le cœur, c'est comme celui qui a une crainte ou une peur qui est secrète. Comme il craint Allah Azza wa Jal, il craint telle chose. Ou bien il craint les morts. Ou bien, attends, ne parle pas sur tel wali parce que sinon il va venir, il va te détruire ta maison. Donc il a peur. Je ne suis pas allé, on m'avait dit, je suis tombé malade aujourd'hui parce que je ne suis pas, j'ai vu Abdel Qadir Jilani sur un cheval blanc et je ne suis pas parti le visiter, donc je suis malade. A'oudou billah. Et donc il y a des gens qui ont peur de cela. D'accord ? Donc ça c'est l'associationnisme majeur qui est dans les œuvres. Le deuxième point, c'est qu'on ne diminue pas, donc le premier point, qu'on n'annule pas l'origine, la base du pur monothéisme en pratiquant de l'associationnisme majeur. Le deuxième point, qu'on ne diminue pas la perfection du pur monothéisme en pratiquant de l'associationnisme mineur. L'associationnisme mineur n'exclut pas de l'islam, mais fait partie des péchés majeurs. Et quiconque pratique de l'associationnisme mineur, par exemple, il rentre dans la mosquée, il vient pour faire de la rak'at, et puis il y a des frères qui sont assis. Et lui, il va faire la meilleure salat de sa vie. Pourquoi? Parce que dans son intention, il veut, il espère que les frères vont lui dire « Mashallah, tu pries bien ». Ou bien il va venir à la mosquée exprès, yani, on ne dit pas que... Si dans son intention, il vient à la mosquée seulement pour que les gens disent de lui « Oh, lui, il fait partie des gens qui viennent tout le temps », eh bien, il fait cette œuvre-là pour autre qu'Allah. D'accord ? Quoi que tu fasses, ton intention, elle ne doit être que pour Allah Azza wa Jal seul et en conformité de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fait partie également de l'associationnisme mineur le fait que tu jures par autre qu'Allah. Par exemple, on entend plusieurs fois dans les quartiers sur le Coran de la Mecque. Ça veut dire quoi ça, sur le Coran de la Mecque ? Parce qu'il y a un Coran de, je sais pas quoi, de France et de Pakistan, de subhanallah. Sur le Coran de la Mecque. Wallah, wallah, wallah. Déjà, jurer excessivement par Allah, ça fait partie des attributs des hypocrites. Deuxième point, on ne jure que par Allah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme dans le hadith qui est rapporté par Abdallah ibn Umar radiallahu anhu, il a dit, quiconque jure par autre qu'Allah a associé à Allah ou a mécru. Donc on ne doit jurer que par Allah. Pas juste on dit wallah, wallah, toutes les deux secondes lorsque l'on parle. On ne jure pas sur autre qu'Allah. On ne dit pas, par exemple, ce qu'Allah veut et ce que tu veux. Ou bien, je place ma confiance en Allah et en toi. A'oudou billah. La confiance, c'est un acte du cœur. Tu ne dois la placer qu'en Allah. D'accord ? C'est-à-dire que, si tu veux dire ce qu'Allah veut, mais tu ne dois pas dire et ce que tu veux, comme dans le hadith, tu dois dire ce qu'Allah veut, puis, ce que tu veux. Car si tu dis ce qu'Allah veut et ce que tu veux, eh bien, le « et » indique obligatoirement une égalité entre Allah et la créature. Donc tu dis ce qu'Allah veut, puis ce que tu veux. Et le troisième point, qu'on ne diminue pas la perfection du pur monothéisme en pratiquant des innovations religieuses, ou des péchés majeurs, ou continuellement faire des péchés mineurs. Et les innovations religieuses, qu'on le sache parfaitement, c'est que en islam, qui est la religion d'Allah le Très-Haut, cette religion est complète. Il ne manque rien. Il n'y a rien à rajouter, rien à diminuer. On suit ce qu'Allah dit, ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit. On se tient à cela. Mais on ne va pas commencer à faire des efforts en pensant « mais je crois qu'il n'y a aucun mal ». Subhanallah. Et la béda, elle est plus aimée pour le diable que le péché. Pourquoi ? Parce que le péché, l'individu qui fait un péché, il sait qu'au fond de lui, c'est pas bien. Il sait qu'au fond de lui, c'est haram. Oui, ça commence à le travailler. Il sait que c'est pas bien ce qu'il a fait, il sait que c'est un péché. Et Inch'Allah, il va se repentir. Tandis que le mot ptadir, cet égaré qui veut égarer les gens avec son innovation, qui vient, qui commence à inventer dans la religion d'Allah, la religion complète d'Allah, ce qui n'est... Yani, il veut commencer à rajouter ce qui n'en fait pas partie. Lui, qu'est-ce qu'il veut ? Jamais il va se repentir. Pourquoi ? Parce qu'il est convaincu que c'est bien. Et il n'y a aucun mal. On lit le Coran en groupe dans la mosquée. Il est où le mal ? C'est clairement Allah. Subhanallah. Qu'est-ce qui empêchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à ses sahaba : venez, on récite le Coran en groupe. Rien. S'il y avait eu un bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous aurait devancé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un prophète avant moi, excepté qu'il a montré à sa communauté tout le bien qu'il connaissait. Donc l'innovateur aujourd'hui, celui qui invente dans la religion d'Allah, il veut dire qu'il connaît une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas. Subhanallah. Et l'innovation religieuse, n'importe quel individu qui innove, qui fait un acte d'innovation, qui fait quelque chose qui ne fait pas partie de la religion d'Allah, c'est-à-dire lorsqu'il ne fait pas partie de la religion d'Allah, ça veut dire qu'il n'y a aucune preuve ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans ce qu'on dit, ni dans le consensus des de cette umma, des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il fait un acte qui ne fait pas partie de la religion d'Allah. Pendant 2 heures, tu es assis et tu lis le Coran en groupe, et ça n'est pas accepté par Allah. Ça n'est pas accepté par Allah, tu as perdu ton temps. Reste à côté de ta famille et mange. Ce que tu donnes à ta femme, c'est une sadaqa. Subhanallah. C'est mieux que de perdre ton temps pendant 2 heures à faire une bid'a. Donc ce n'est pas, moi je pense que c'est bien. Certes, lorsque tu lis le Coran, chaque lettre que tu lis, c'est Ashra Hasana. Et Allah Azza wa Jalla l'augmente à qui il veut. Mais on ne parle pas de la lecture du Coran, on parle de la façon de la faire. C'est comme la da'wa. On ne parle pas de la da'wa. La da'wa c'est bien, toute la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'était la da'wa. Mais c'est la façon de la faire. Tu ne fais pas la da'wa comme tu veux. C'est pas tu vas venir à la mosquée, non, la réussite est dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. etc. Eh bien, commençons à appliquer la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais il disait à quelqu'un, lève-toi après le maghrib et dis qu'il y a un bayan et dis que le succès est dans le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne fait pas partie de la sunna, ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il faisait la da'wa? On n'a qu'à lire Sahih al-Bukhari. Lorsqu'ils m'ont envoyé Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu au Yémen, il n'a pas envoyé des ignorants faire de la da'wa. Il choisissait parmi les savants, parmi ses sahabas. Tu vas voir des gens du livre. Déjà, tu sais à qui tu t'adresses. C'est pas tu viens comme ça et tu sais pas. La première chose, c'est que tu les invites à adorer Allah Azza wa Jal et non pas à rejoindre un groupe ou une secte. Car on invite à Allah, on n'invite pas à un groupe, on n'invite pas à une secte. Donc ça, barakallahu fikum, yani, c'est le troisième point, qu'on ne diminue pas la perfection du pur monothéisme en pratiquant des innovations religieuses. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Sahih Muslim, dans la riwaya qui est rapportée par Aïcha radiallahu anha, quiconque fait une œuvre, n'importe quelle œuvre que tu fais pour te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, qui ne fait pas partie de notre ordre, se verra rejeté. Sahih Muslim. Et vous avez même une autre riwaya, une autre narration dans Sahih al-Bukhari et Muslim. Quiconque fait une œuvre, quiconque innove, quiconque invente dans notre ordre ce qui n'en fait pas partie, eh bien se verra rejeté. Et ne pas faire continuellement des péchés mineurs. Les péchés mineurs, car on connaît la différence entre le péché majeur et le péché mineur. Le péché majeur a 3 points. On sait que c'est un péché majeur si, par exemple, on lit dans les textes que, eh bien, celui qui fait telle chose, eh bien, aura la malédiction d'Allah, la malédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la malédiction des anges. Donc on sait que ça, celui qui vend du vin, comme certains font, qu'Allah les guide et nous guide, eh bien, ils ont la malédiction d'Allah azza wa jal. Et les salaf salih avaient pour habitude de conseiller leurs enfants, ne t'assois pas avec quelqu'un qui a reçu la malédiction d'Allah. Il vend du vin, il dit, mais non, moi je ne le consomme pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que la malédiction d'Allah soit sur celui qui le vend, celui qui s'assoit à côté de quelqu'un qui le consomme, celui qui le transporte, celui qui le produit. Yani, il y a toute une caractéristique dans le hadith. Donc, le péché majeur, lorsqu'on lit qu'il y a la malédiction d'Allah si un individu fait telle ou telle chose. Deuxième point que l'on reconnaît un péché majeur, c'est que c'est écrit clairement que quelqu'un qui fait tel ou tel acte, eh bien, ça fait partie des péchés majeurs. Le troisième point, c'est qu'il y a une menace d'entrer en enfer pour quiconque pratique tel péché majeur. Donc ça, on reconnaît c'est quoi un péché majeur. Donc il ne pratique pas des péchés majeurs, tel qu'il va prendre un crédit pour acheter une maison. Ou est-ce que c'est à intérêt? Et puis il va te dire, mais non, j'ai entendu une fatwa, tu as le droit à une maison. Subhanallah. Tu as le droit de faire un péché majeur une fois dans ta vie. C'est ça. Subhanallah. On doit craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. Allah Azza wa Jal a dit, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Quiconque craint Allah lui donnera une solution à son problème. Elle lui donnera une provision d'où il ne s'imaginait même pas. Ou bien mentir. Ça fait partie des péchés majeurs, la fornication, yani, tout ce qui rentre dans ce que j'ai décrit. Et qu'il ne fait pas continuellement des péchés mineurs, d'accord? C'est-à-dire qu'il sait que c'est un péché mineur, d'accord? Il va, je ne sais pas moi, il va regarder des choses qui sont haram, il va allumer la télé, il va voir des femmes dénudées, etc. Et il va regarder le journal, il regarde, c'est une femme qui présente dénudée, c'est pas grave, il regarde. Il ne voit plus cela comme un péché, parce qu'il est habitué. Et si bien qu'il ne voit plus que c'est un péché, il ne se rend plus compte de ça. Donc quiconque s'écarte de ces trois points-là. Donc le premier point, il n'annule pas l'origine du pur monothéisme en pratiquant de l'associationnisme majeur. Le deuxième point, il ne diminue pas la perfection du pur monothéisme en pratiquant de l'associationnisme mineur. Et le troisième point, il ne diminue pas la perfection du pur monothéisme en pratiquant des innovations religieuses ou en pratiquant des péchés majeurs ou en pratiquant continuellement des péchés mineurs. Donc on se doit de craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit et on doit avoir toute cette règle-là. On ne fait un acte d'adoration que si on a une preuve. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت تبارك ربنا وتعاليت اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد